Oh, bole kisa ye liboso. Oh, kusa shaba galo bie. Oh, bole kisa ye liboso. Oh, kasongo ye. Sous-titrage Société Radio-Canada.